Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre cher podcast franco-louisianais qui s'appelle Char éveillé, où on char et on veille et tout ça. Et aujourd'hui, on va, comme toujours, discuter le français ici dans le sud de Louisiane. On accueille des invités qui promouvent ou bien interagissent avec la langue française ici en Louisiane. On vous expose aux événements locaux comme les tables françaises, par exemple. Et si vous nous suivez sur Facebook à facebook.com/charéveillé, vous allez voir qu'on partage des événements. Mais on a bien sûr ceux qui reviennent chaque semaine et chaque mois, comme la table française chez Café Douard au centre-ville à 7h du matin, Franco Happy Hour qui se passe les mercredis à 5h au Wurst Beer Garden, Rendez-vous Francofou les jeudis à 5h au Bisbanos et beaucoup, beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web de Codophile et cliquer l'onglet événements réguliers pour voir le calendrier très bien fait, très détaillé. Et on va poster un lien aussi dans les commentaires sur la vidéo là. Donc même si vous autres êtes dans le char, après faire la cuisine, après faire votre ouvrage pour la journée, un grand merci à vous autres pour nous écouter. Je suis là à AOC avec mon co-animateur Joseph Ponce. Bonjour Joseph. Salut Chase. Et aussi, on a un événement aussi que dont Joe va parler et une invitée très spéciale aussi. Ben, je vais tout d'abord parler de notre troisième invitée de cette saison de Char éveillé. Donc, elle est née à Chicago, mais elle habite ici à Lafayette depuis qu'elle a 5 ans. Ici à Lafayette, elle a commencé en immersion française, donc elle vient pas d'une famille francophone, mais elle parle français depuis son enfance. Et elle est partie en France pour ses études à Strasbourg. Après ça, elle a fini ses études à UL en études francophones. Et après ça, elle a fait TAPIF en France. Et alors maintenant, elle est ici à Lafayette. En travaillant, quoi, dans la francophonie lafayettoise. Oh, ouais. Ouais, mais Heaven Moore. Alors, bonjour, Heaven. Bonjour, merci. Donc, tu veux mieux expliquer un peu qui tu es Ben, ça, c'était assez clair. oui, je viens de Chicago. Une mère qui vient de Chicago, un père qui vient de Dakota du Sud, donc pas du tout francophone. Et nous avons déménagé ici quand j'avais 5 ans, donc j'ai commencé maternelle ici en Louisiane. Et ma mère m'avait inscrit dans le programme d'immersion, donc depuis l'âge de 5 ans, je parle français, j'étais à Prairie pour l'école élémentaire et puis Paul Brault pour le collège. Et puis je suis allée à Lafayette High, j'ai suivi juste des cours de français comme on n'avait pas d'immersion à l'époque. Et puis j'ai continué mes études du français à l'université aussi. Donc ça fait longtemps que je parle français. Mais ouais, c'est tout vraiment. Quelle université ? Université de la Louisiane à Lafayette. Ah, très bien. Et c'était quoi ta spécialité ? Enfin, c'était les études francophones avec un mineur en relations internationales. Ah. Oh, wow. Okay. Et donc, tu as fait un semestre à l'étranger à Strasbourg et puis pour... Deux semestres. Oh, donc, oui, un an. Ouais, à Strasbourg. Et puis, je suis rentrée à Lafayette, j'ai fini ma licence et après, je suis partie à Toulouse avec TAPIF. Est-ce que ça t'a plu, TAPIF? Ouais, TAPIF même, c'était cool parce que c'était une façon d'habiter en France, premièrement, mais aussi que c'était pas trop stressant, t'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai pu beaucoup voir en France, mais aussi à l'étranger aussi. Donc, ouais, ça m'a beaucoup plu. Oui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, TAPIF, c'est une programme que normalement on fait après qu'on finisse les licences. Et c'est Teacher Assistant Program in France. Alors, tu pars en France, soit France Métropole, soit les Dom-Tom, alors Martinique, Guadeloupe, Réunion, où on est assistant de langue, alors évidemment anglais ici, et on est dans soit au niveau primaire, au niveau, ça s'appelle secondaire. Secondaire, ouais. Mm-hmm. Et on est là pour assister les profs d'anglais avec plutôt l'anglais parlé. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont les étudiants ont un prof d'anglais, mais nous sommes là pour qu'ils puissent pratiquer l'anglais avec une native, quoi. Ouais, une locataire nomadique. Voilà. Et donc moi, je l'ai fait l'année passée dans une toute petite ville qui s'appelle Angoulême, en Charente, pas mal, juste entre Bordeaux et Poitiers. Donc pas aussi intéressante que Toulouse, c'est sûr. Mais quand même, c'était une boulot assez facile. On avait beaucoup de congés. Ouais, c'était cool. Et aussi, enfin, moi, j'étais chanceuse parce que tous les profs avec qui je travaillais, c'était super sympa. Donc, j'ai pu sortir avec eux, enfin, manger, boire quelque chose, un café, choses comme ça, tous les week-ends ou après l'école. Donc, c'était très agréable. Même un des profs avec qui je travaillais, génial, et un ancien prof de Sciences Po, université à Toulouse, et a écrit un livre sur Obama. Mmh. Et donc, c'était juste tellement intéressant d'avoir des conversations avec elle. Ouais, c'est génial, ouais. Les Français adorent Obama. Ouais, et c'était plutôt un livre qui parlait de comment Congrès, genre, a bloqué tout ce qu'il voulait faire. Ah, et oui. Il n'a pas pu faire les choses qu'il voulait faire, mais c'était super intéressant, surtout de parler avec ça, de cette conversation avec quelqu'un... Un étrangère, quoi, mm-hmm. pas une américaine. De perspective. Ouais, étrangère. C'est ça. C'est intéressant. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous avez l'occasion de voyager beaucoup quand vous enseignez Oui, parce qu'on avait deux. Enfin, c'était quoi? C'était on travaillait. Tous les 6 semaines, on avait 2 semaines de vacances. Oui. Ah, ok, wow. Donc, moi, je suis parti en Grèce, en Maroc, en Espagne. Toi, tu es parti où? Ouais, je suis parti au Maroc et puis en Islande. Un week-end pour rencontrer mes amis. Un week-end amis. En Islande, ouais. Pas mal. Ouais, c'est génial parce que j'ai deux copines que j'ai rencontrées quand j'étais à Strasbourg. C'est deux de mes meilleures copines, une anglaise et une australienne. Et l'australienne, pendant que j'étais à Toulouse, était à Québec pour un semestre à l'étranger. Et avec WOW, la compagnie islandaise, ouais. Il y a des billets pas chers du tout. Et donc, nous nous sommes retrouvés en Islande pour 4 jours. Et on a traversé... Ouais, on a loué un camping van. Mm. Et on a traversé l'île. Wow. On a dormi dans le van et on a vu les aurores boréales sur les glaciers. Ouais, non, mais c'était génial, vraiment. Et puis, entre... Heaven a fait tapis l'année avant moi. Donc, on avait l'été entre les deux. Donc, mm-hmm. pendant cet été-là, on se sent rencontrés, enfin, on se réunit mm-hmm. en Inde, mm-hmm. au sud de l'Inde. En Bangalore. Et puis on est allé à Kerala, juste au nord. Et puis elle est partie au Vietnam, et mm-hmm. moi je suis partie au Népal. Mais on a passé un mois en Inde ensemble. Ouais. On se connaît très bien maintenant. Ouais, si vous voulez connaître quelqu'un mieux, il faut aller en Inde pendant l'été où il fait super chaud. Super chaud. Oui. Au sud, super humide. Au nord, super sec. Ouais, donc on se connaît très, très bien maintenant. Et comment ça s'est passé? C'était bien. Ah oui. Enfin, ouais. Pas mal des gens roadblocks, genre, mais... ouais, c'était génial. C'était une expérience, quoi. Ouais. Et après ça, tu as continué un peu. Ouais, tu es allé à plusieurs pays. Vietnam et mm-hmm. puis Thaïlande. Okay. Tout ça. Donc, c'était cool. Intéressant. Ouais. Mm-hmm. Alors, parlons de partir en France pour ses études ou partir en France pour ta PIF. Tu es en train de planifier un genre d'événement ici à Lafayette pour... Ouais, c'est ça. Alors, parle un peu de ça. C'est avec le consul à l'Univarion. Et ça s'appelle... France Alumni, et donc c'est pour les étrangers de partout. Il y en aura, enfin, il y a cette initiative partout dans le monde, mais donc c'est pour les étrangers qui sont déjà partis en France, soit pour étudier et ou pour travailler, genre avec tapis par exemple. Et donc mercredi le 28. Nous serons au Beer Garden de 18h à 20h à peu près avec Nicolas Torres du consul pour en parler de ça. Donc, France Alumni, ça donne des opportunités exclusives aux gens qui sont déjà partis en France étudier ou travailler pour des emplois, genre des boulots, des jobs normaux, mais aussi des stages ou des bourses en particulier si... t'aimerais retourner en France et continuer tes études. Donc, Nicolas va en parler un peu plus de ça pour que tout le monde soit au courant des opportunités qu'ils ont en France que peut-être ils ne savaient pas. Ouais. OK. Et je viens de lire, je sais que toi, tu l'as partagé sur Facebook. Nous deux, on avait... Bon, moi, je voulais partir à Paris, elle aussi, pour faire mon master. Mais il vient de changer la loi, enfin, les règles en France où les étrangères doivent payer... Ouais, des hors européens. Ouais, ils doivent payer plus que les Français, enfin, les Européens. Ouais. Et beaucoup, beaucoup plus. Ouais, c'est 10 fois plus. Ouais. Parce que pour, maintenant, pour les Européens, un master, par exemple, ça coûte 368 euros pour un master. Maintenant, mais c'est par an, par semestre ou c'est... Par an, enfin, ça dit pour un master. Donc, c'est ça que je me demande. Bien, en France, il y a deux masters. Il y a un master 1 et un master 2. Donc, j'imagine que c'est pour les deux. Enfin, c'est pour chacun. Donc, maintenant, pour les Européens, ça va coûter 3 700 pour le master. Et donc, même si c'est énervant et c'est dommage... Après que j'ai arrêté mon choc, mon période de choc après avoir lu ça, j'ai dit c'est quand même beaucoup moins cher qu'aux États-Unis quand même. Ouais, c'est dommage, mais quand même c'est grave moins cher que ici. Parce que moi je cherchais un master, programme de master au nord, à l'état de Vermont. Ouais. Et je crois que c'était genre 60 000 c'est pour ça, un master. Même à UL, un master. Des États-Unis, tu dis? Ouais. Oui. Okay. Même à UL, un master, c'est 12 000, quoi. Mm-hmm. Wow. Et donc, c'est toujours moins cher. Et enfin, c'était parce qu'en fait, j'ai commencé à lire un peu plus. Et c'était parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens, les universités françaises. Et donc, c'était leur façon de pouvoir... juste payer les profs sans perdre des étudiants locaux quoi. Parce que je me suis toujours posé la question comment est-ce que les universités en France en Europe comment est-ce qu'ils fonctionnent avec pas beaucoup d'argent les impôts aussi mais quand même et donc c'est vraiment pas horrible comme idée, c'est dommage pour nous en tant qu'étrangers, mais quand même c'est toujours affordable. Quoi. Oui, et vu que nos familles n'ont jamais payé des taxes en France, ça fait au moins du sens. Ouais. Comme on n'est pas français. Ben, cette année, à Tapif, on a payé des impôts, mais c'était juste un an. Ben oui. Mais comme toutes nos vies, comprends, c'est comme out of state tuition. Yeah, of course. Ouais, donc 3 000 pour un master, ça va. Ouais, au moins. Oui. Ça va. Oui, tu as raison. Ouais. Parce que même en Europe, des grandes écoles de commerce, par exemple, ça coûte, même en Europe, ça coûte 10 000 euros l'année. Et c'est juste vraiment des universités publiques qui sont moins chères. Donc, c'est idée de penser, de payer pour les études, c'est pas juste aux États-Unis, c'est juste qu'aux États-Unis, c'est abusé. Ouais. C'est abusé. Mais aussi, si on voit les campus français comparé aux campus américains, on a les rec centers avec une piscine énorme. Et c'est marrant parce que moi, je trouve pas que UAS est une université incroyable. Enfin, ouais, non, mais c'est joli, mais c'est pas incroyable. Mais par rapport au campus en France, c'est incroyable. Parce que même les Français, quand ils étaient ici pour Kinomada, ils se disaient le campus, c'est génial, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Ils disaient Ok. Oui, j'avais des amis belges et je les amenais à LSU pour voir le campus. Ouais. Et quand ils ont vu la stade, Death Valley, ils me posaient la question, c'est une stade c'est... de NFL. Ouais. Ils ont vu Mike the Tiger, mais il y a ça, une genre de zoo. Ça, c'est aussi abusé. Ouais. Mais ça, c'est abusé. Ça, c'est absolument abusé. Mais c'est ça, on paye genre des milliers de chaque fois que je traverse dollars. Le pont à Baton Rouge, je vois Death Valley, je me demande, mais pourquoi ils ont gaspillé autant d'argent pour ça? C'est oui, vrai. Mais ils remplissent le stade chaque samedi, donc ils en font. Il vaut le coup. Donc, tu viens de parler un peu de Kinomada. Tu peux expliquer un peu quoi c'est Kinomada et donc, qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine? Ouais, Kinomada, c'est passé le 29 octobre jusqu'au 7 novembre. Et c'était ici à Lafayette et c'est une organisation québécoise qui fait un peu de... c'est genre une organisation cinématographique. De cinéma. De cinéma, ouais, c'est ça. De cinéma nomadique. Donc, c'est-à-dire... Nomadique? Nomadic. Oui, mais, nomadic. C'est intéressant. Ouais. Je savais pas que c'était. Ouais, ok. Je me demandais, c'est pas le mot. Ouais, c'est nomadique. Donc, genre, ils ont. Lafayette était leur 22e escale. Et aussi leur première escale aux États-Unis. Mmh. Donc, ils font deux escales chaque année. Une escale à Québec et puis une escale hors de Québec. Donc, ils ont déjà fait beaucoup d'escales ailleurs au Canada, je crois, et puis aussi partout en Amérique latine et du Sud. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent des artisans de cinéma, genre des réalisateurs, des producteurs du son, enfin tout, les comédiens aussi, des pays francophones. Ici, cette fois, on avait des Canadiens, des Français, des Belges, un Haïtien, un Martiniquais et un Guadeloupéen. Et ils étaient 30. Et donc, ils créent avec des locaux, enfin des locaux artisans de cinéma. Ils créent une vingtaine de courts-métrages, j'oublie toujours ça. Des short films. Yeah, short films, yeah, des courts-métrages, en 10 jours. Donc, c'est incroyable que ce qu'ils ont pu faire en 10 jours. Et c'est vraiment des inconnus, quoi. Enfin, peut-être entre eux, ils connaissaient un peu, mais ils travaillent avec des gens qui vivent à Lafayette, qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils ont pu créer 23 courts-métrages, super intéressants, très différents, divers, qui parlent des sujets très différents. Il y avait un thème cette année, enfin, pour cette escale, pardon, c'était genre The Crossroads of Cultures in Louisiana. Parce qu'évidemment, Louisiane, c'est un État très riche culturellement. C'est ça qu'elle est. Ouais, c'est ça. Yeah. Et c'est vraiment un produit de la créolisation, quoi. Just mixing. Et donc, c'était super intéressant. Et j'ai pu aider parce que je connaissais une fille qui travaillait avec eux. Et donc, j'ai pu aider tous les 10 jours. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Et j'ai aussi... je me suis rendu compte des intérêts, mais aussi des talents que je savais pas que j'avais. Donc, je suis très contente que j'ai pu assister avec Kinomada pendant qu'ils étaient ici. Et j'espère d'avoir l'opportunité peut-être de partir à l'étranger avec eux un jour, la prochaine fois ils en escale. Et tu faisais quoi alors? Tu étais actrice Ouais, j'étais comédienne dans quelques films. Et puis aussi, j'ai assisté avec la production de quelques films, genre assistant production, et puis aussi avec... ma traductrice. Traductrice pour beaucoup des sous-titres. Et puis aussi, casting director. Ouais. Parce que la plupart des films étaient soit en français, soit avaient des sous-titres en français. C'est ça. Donc, tous les films en anglais avaient dû avoir des sous-titres en français aussi. Et puis, comme on a fait le premier au Southern Screen Festival, mm-hmm. et la plupart des membres de l'audience étaient anglophones, tous les films en français avaient dû avoir des sous-titres en anglais aussi. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Oui. Yeah. Cool. C'était cool. Cool, cool. C'était chouette. Oui. J'ai pu aller au premier, à Southern Screen Festival, et j'ai vu tous les films, le film de court-métrage qu'ils ont fait. Et il y en avait un, Migration, mmh. or Migration, mmh. avec je pense que c'était Olivia Perillo et Sydney yeah. Horn qui l'ont fait, avec Pauline Neto. Et deux autres femmes. Ouais, Florette, peut-être, une Française, ouais. qui a fui l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ouais. les Juifs. Et puis une autre fille de Puerto Rico, et danseuse, chanteuse, hein, et toutes les femmes dans cette scène était géniale. Et c'était fait à Lac Martin pendant c'était le coucher de soleil ou le lever de soleil? Ouais, le lever de soleil. Donc on voyait les oiseaux de migration, migratoires en train de s'envoler. Et c'était très touchant comme film. Ouais, c'est génial qu'un film de genre 4 minutes peut te toucher comme ça. Oui, pour évoquer une telle émotion, c'est incroyable. Je suis contente que j'ai pu aider avec ça parce que Pauline Neto, c'est une de mes femmes préférées du monde. Ah oui? C'est une ancienne prof d'immersion et je la connais très bien. Je suis elle est géniale, je l'adore. Donc, je suis contente que j'ai pu aider avec ce film. Cool. Quoi d'autre est-ce que tu fais ces jours aujourd'hui pour améliorer ou sauvegarder le français, la langue française pour toi? Pour moi? Oui, avec qui tu parles français comme quotidiennement? Mais ta sœur, elle va finir cette année l'immersion. C'est ça. Est-ce que tu parles avec ta sœur en français? Donc, ma petite sœur, ma petite sœur, elle a 17 ans. Et comme tous les adolescents, elle est un peu... elle sait parler français très bien. Ok. Elle est très fort en français. Et je lui parle en français des fois, surtout quand nous sommes avec nos parents. Mais elle aime bien me répondre en anglais, donc... Elle est too cool pour le français. C'est ça. Mais elle fait des cours à UL maintenant, en tant qu'étudiant de lycée, donc c'est cool. Mais aussi, j'ai plein d'amis francophones. Enfin, francophones, soit en Louisiane, mais aussi à l'étranger, en France, en Belgique, au Canada. Donc ça aide, je lui parle en français aussi. Mm-hmm. Mais aussi, j'écoute beaucoup de musique en français, donc, et j'essaie de regarder des films en français aussi. Et je fais ce que je peux pendant que je suis ici à Lafayette pour aider la communauté francophone ici aussi. Merci pour tout. Et je sais que puisque souvent on parle de cette débat entre les, enfin entre ou parmi les Cajuns et les Créoles et tout ça, et je sais que tu t'identifies pas comme Cajun ni Créole puisque t'es pas de Louisiane, t'es juste francophone en Louisiane. C'est vraiment, je suis vraiment juste un franco-louisianaise quoi. Parce que même, même si je n'ai pas née ici, j'ai passé presque toute ma vie ici, donc je me sens louisianaise. Mais je vais jamais dire que je suis créole au Cajun, parce que c'est toujours ça quand je rencontre quelqu'un d'ici. Et même ailleurs, s'ils sont un peu au courant de l'histoire de la Louisiane, ils me demandent toujours « Ah, alors t'es créole ?» Je dis « Non, non, non, je suis pas créole, parce que je suis... » Je suis pas créole. Je suis chicagolaise. Non, enfin, j'ai pas du tout des racines ou des liens historiques à cet état. J'adore cet état, mais j'ai pas du tout des liens comme ça familial quoi. Mais tu sais comment faire un bon gongbo. Oui. Donc. Mais aussi mon père sait faire un bon gongbo aussi, mais il vient de Dakota du Sud. C'est ça. Mais je pense que parfois il faut lâcher ces étiquettes cajun créole. En fait, moi, je trouve que c'est super intéressant de montrer qu'une fille noire, pas du tout d'une famille francophone, puisse parler français couramment, enfin assez couramment. Très couramment. Et ça, c'est très important à moi. Donc, je ne vais jamais dire que je suis créole. Je ne vais jamais dire que je suis cajun. Parce que ça, c'est... même si, la Louisiane, c'est un peu comme une grande famille. Et je ne me sens pas genre... étrangère en Louisiane, pas du tout, mais c'est juste que c'est pas mon histoire, c'est pas moi. Et donc c'est pas juste pour moi de m'identifier comme créole juste parce que je suis noire et francophone en Louisiane, c'est pas juste. Ils devraient voir que la Louisiane, il faut que la Louisiane et les Louisianais voient que la Louisiane est plus riche que juste des héritages. Et le français n'est pas juste lié aux héritages aussi. Ouais. On a plein d'immigrants francophones qui viennent ici avec Codofil pour enseigner. Et eux, ils ont besoin d'avoir un place en Louisiane aussi. Parce que c'est à eux aussi, c'est grâce à eux qu'on puisse garder cette langue dans cet état. Oui. Et donc, c'est pas juste toujours parler des Cajuns et créoles. Oui, c'est important de réaliser le passé et préserver la langue, mais aussi il faut l'avancer dans l'avenir aussi. Donc, c'est ça la différence. Mais moi, j'ai raison. T'as raison. J'ai raison. Moi, j'ai raison. T'as raison, Joe. Non, je voulais dire, j'ai compris, t'as raison. Ouais. Et c'est grâce à eux qu'on a des adultes qui parlent français aujourd'hui en Louisiane. Mm-hmm. Donc, ils font partie de notre histoire française aujourd'hui, une histoire courte pour la relever la langue, mais c'est une histoire. On a une population assez jeune qui parle français. Donc, comme tu as dit, toi et Lauren, parle avec, bah, entre vous autres pour faire des secrets avec tes parents. C'est ça. Et ça change. Enfin, les langues changent tout le temps. Et, de toujours lier le français, c'est une langue hyper riche et dynamique et poétique. Et moderne. Ouais, moderne. C'est un peu comme impoli de toujours lier le français au passé. Mmh. Ça a la cause de perdre un peu de sa richesse et son importance. C'est pas latin, c'est pas mort, quoi. C'est pas une langue morte, quoi. Mais, et donc, genre, par exemple, pour moi, même si je parle français, tout le monde dit « Ah, t'as un accent français !» Like, ouais, mais je dis toujours « yeah ». Je dis les likes, des choses comme ça, pendant que je parle français, parce que ça me rend, I make it mine. Mm-hmm. Ta propre langue. Ouais, et donc même si le français, c'est une langue... Je pense que c'est le français des élèves d'immersion. Ici en Louisiane, on a un certain français, genre... Le franglais. Ouais. mais c'est... Enfin, la Louisiane est tellement riche en tant que culture... Et j'aimerais bien que les gens, surtout des différents francophones, parce qu'on voit toujours que, enfin pas toujours, mais on a beaucoup de touristes de la France, aussi de la Belgique et aussi du Canada qui viennent surtout en Louisiane pour voyager. Et c'est choquant et ça me rend très contente, mais aussi triste parce que, par exemple, pendant Tinamada, il y avait des touristes français. Ici à Lafayette, juste il faisait un voyage. Je lui dis, ah, vous faites un tour des États-Unis? Il dit non, juste à Louisiane. Il dit, ok, waouh, génial. Il dit, ouais, mais c'est pas aussi francophone qu'on avait pensé. C'est ça qui est dommage, parce que vraiment des fois je me trouve que on utilise le français vraiment juste un like a tourist trap. Mais quand ils arrivent, quand ils arrivent, il y a personne qui parle français, mais pas autant qu'ils pensaient, quoi. Ou les panneaux sont pas français. Et donc je trouve que c'est super intéressant que on fait plus que juste vanter qu'on a des francophones, mais il faut qu'on les montre aussi. Il faut qu'on crée des boulots. Ouais, des jobs. Paye-nous. Ouais, il faut vraiment que si la Louisiane veut que le français reste important et en face, en devant, qu'il doit vraiment accueillir les jeunes qui sont ici avec des jobs, avec des opportunités payantes. Sinon, on va tout partir à l'étranger. Exactement. Parce qu'on aimerait bien travailler en français, on aimerait bien travailler avec cette langue. Et aussi pour montrer la culture louisianaise qui est, peut être très one-dimensional des fois à l'étranger. Tu vois juste trois aspects de la Louisiane, mais c'est beaucoup plus que Gumbo et les alligators et les bayous. La cathédrale. Ouais, c'est très important, mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus d'histoire, il y a beaucoup plus de côtés. Et j'aimerais bien, et surtout, c'est hyper intéressant. Récemment, j'ai beaucoup appris sur les Antilles. Et ces relations entre les Antilles et la Louisiane, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas aussi de lien. Ben toi, tu vas être la première ambassadrice. Non, commence pas exactement, parce que tout le monde dit ça. De la Louisiane en Martinique. Non, mais c'est vrai, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à montrer. Non, mais c'est vrai, il faut juste qu'on ajoute un peu plus d'argent dans le budget culturel. Ouais. Pour qu'on ait plus d'argent, parce que c'est vraiment une question d'argent et de budget en Louisiane. Absolument. Ouais. Et vraiment, tristement, je trouve qu'au sud, les gens sont beaucoup liés aux héritages et héritages, mais aussi. Généalogie? Non, pas généalogie, les traditions. Mm-hmm. Ah oui. Les traditions. Et je trouve que ici en Louisiane, des fois, on a des certaines façons de faire des choses, parce que c'est comme ça, on l'a toujours fait. Mais le monde est en train de changer, donc il faut qu'on change aussi. C'est pas que ces façons vont toujours marcher. Et donc, c'est vraiment à nous, les jeunes francophones, les jeunes créatifs, de changer la Louisiane pour que ça soit au courant, avec le monde, quoi. Et toutes les études montrent que le tourisme, c'est une très bonne façon de gagner d'argent pour un État. Ouais. Mmh. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'ajoute pas plus d'argent sur, dans un genre de budget tourisme francophone. On fait l'éco-tourisme. Il faut qu'on fasse franco-tourisme ici en Louisiane. Donc, Billy Nungesser, Lieutenant Governor, je parle à toi. ouais, donc, enfin, même si j'aimerais bien partir en France pour faire mes études, ça veut pas dire que je vais jamais rentrer en Louisiane. C'est juste que je suis quelqu'un de très curieuse. Nomadique. Et, ouais, un peu. Et, et j'aime bien apprendre, enfin, m'immerser. Ooh, is that a thing? Oui. Mm-hmm. Okay. M'immerser dans les différentes cultures pour vraiment approfondir mon apprentissage sur une culture. Et donc, c'est juste à dire que pendant que je suis jeune, il faut que, et j'ai pas de vraies responsabilités, il faut que je fasse ces expériences pour me montrer qui je veux être comme personne dans le monde, mais aussi qu'est-ce que je peux rapporter au monde aussi, et surtout en Louisiane. Parce que je suis très remerciant de tout ce que la Louisiane m'a donné dans la vie. Enfin, même si toute ma famille est de Chicago et je viens de Chicago, la Louisiane m'a vraiment... c'est vraiment à cause de la Louisiane que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je prends très sérieux de to give back to Louisiana. Donc, ton événement de Campus France, Campus France Alumni, aura lieu le 28 novembre. C'est une mercredi. À Star, ça va être au Worst Beer Garden, ouais, mais à cause du fait avec que c'est l'extérieur... Avec le temps et le froid, ça va peut-être changer. Donc, restez au courant avec la page de Facebook. L'événement, ça s'appelle Lafayette France Alumni Info Meeting. Okay. Et donc, restez au courant avec nous sur Facebook. Et j'espère de vous voir là-bas. Oui. Et on va poster l'événement sur la page de Charles Veillé. Parfait. La page de Facebook. Oui. Donc, Heaven, merci bien d'être venu. Et merci à vous. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de te parler. Merci d'avoir créé cette plateforme. Oh. Absolument. Ouais. Et génial. Vous autres, si c'est jamais vous voulez venir nous parler, ajoutez un petit commentaire pour nous dire que je suis francophone en Louisiane, à Lafayette, n'importe où, et je veux vous parler sur votre podcast. On aime bien des invités. Oui, oui, absolument. Si tu aimes promouvoir le français ou interagir avec le français, envoie-nous un message ou laissez des commentaires. Et, n'oubliez pas de suivre notre chaîne de YouTube, Charles Veillé, et aimer et partager notre page facebook.com/Charles Veillé. Merci à vous et à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao.